FrenchPod.com. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je crois qu'il y a une manifestation. Excusez-moi, pourquoi vous manifestez? Je sais pas vraiment, j'accompagne mon meilleur ami. Vous voulez manifester avec nous? Vous allez jusqu'où? République. Bon, d'accord.